Faites chauffer les consoles, démarrer les ordinateurs, Indy 500, bonjour! Kevin Siliam, bonjour! Oui, bonjour! Comment ça va? Eh ben, très bien! On va parler ensemble de Linkito. Avec grand plaisir. C'est développé du coup par toi-même, pour être précis, édité par Playdigious Originals et Chimeria Games. C'est sorti le 23 juillet 2024, ça coûte 14,99€, sorti sur Steam, GOG et sur Steam Deck, mais pas encore vérifié de manière officielle, c'est ça? Oui, bon résumé. Et on va donc parler de Linkito. On va parler plein de choses en réalité, parce que j'ai très envie de parler de Chimeria également. Mais avant de commencer à parler du jeu en question, on commence par les quatre virages habituels avec le premier jeu, Kevin, auquel tu as joué. Que j'ai joué, ça doit vraiment dater. Premier coup de cœur de joueur, pardon. Le coup de... En plus, il ne connaît même pas son émission. Il y a un jeu qui m'a marqué, en fait, c'est Alone in the Dark, qui est un vieux jeu d'horreur, qui est un des premiers jeux 3D en fait, qui a existé, et qui est en plus un jeu français. Et du coup, c'est vrai que c'est un jeu, ça, qui m'a toujours... qui m'a subjugué dès l'époque et qui m'a, je pense, poussé à devenir un peu développeur 3D, en fait, ce que j'ai été au début de ma carrière. Est-ce que Alone in the Dark, c'est le meilleur jeu auquel tu as joué? Bah, après, c'est très dur de comparer un jeu de cette époque-là avec un jeu de maintenant. Non, moi, il y a des jeux qui m'ont marqué sur leur approche. J'ai en cité un qui n'est pas souvent cité dans cette catégorie-là, mais que j'ai vraiment bien aimé, c'est Kerbal Space Program. Ok. Qui est un jeu qui réussit à faire passer plein de notions super pédagogiques sans jamais être pédagogique. Et ça, je trouve ça, c'est d'une intelligence assez rare. Donc ouais, c'est un jeu qui m'a vraiment marqué. C'est pas des graphismes de fou, mais quand on y jouait la première fois qu'on arrive à certaines choses, on se sent vraiment surpuissant. Non, c'est... Voilà, ça a été un coup de cœur, j'avoue. Est-ce que ton background de... Alors, c'est... tu faisais de la gravure dynamique, c'est ça, et ensuite tu as bossé sur de la simulation de modèles physiques. Est-ce que ça, c'est pas aussi... ça rentre pas en ligne de compte aussi? En fait, j'ai eu envie de bosser dans la création 3D, et effectivement, du coup, j'ai fait des études un peu en art et sciences où j'appliquais des simulations physiques pour créer des procédés artistiques de rendu, d'image, d'animation, de choses comme ça. Mais c'est plutôt dans l'autre sens, en fait, je dirais. C'est plutôt la passion un peu pour le jeu vidéo et l'interactivité qui m'a fait orienter un peu le boulot que je voulais faire là-dedans, quoi. Le moment qui a défini ta volonté de travailler dans le jeu vidéo, tu as parlé de Alone in the Dark qui était important, mais est-ce que c'est ce moment-là? Franchement, même avant, je crois, il y a quelque chose qui s'appelait Click and Play et qui était un espèce de moteur de jeu, mais pour les joueurs, en fait, tu vois, sans complexité technique. En gros, il y a une balle qui bougeait, dès qu'elle quittait l'écran, elle te demandait qu'est-ce que tu veux faire quand la balle quitte l'écran, la faire rebondir, perdre une vie. Et tu créais ton jeu en répondant comme ça à des petites questions. Oh, incroyable. Et j'avais créé mes premiers jeux, j'étais assez jeune, hein, j'avais 15-16 ans là-dessus, et voilà, et ça a débuté une petite passion. Voilà. Après, j'ai beaucoup bossé dans la 3D, l'interactivité, pour le théâtre, pour l'événementiel. Et j'ai fait des jeux en proto sur mon temps libre. Et là, Linkito, c'est le premier gros jeu où je me dis, bon, bah, je bloque vraiment 2 ans de ma vie pour finir ce jeu comme je l'entends, quoi. Et puis, il y a aussi un peu de VR, mais on aura l'occasion d'en reparler avec notamment Blood Blast. Ouais, tout à fait. The Fourth Planet, mais on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Et le jeu qui t'inspire le plus en tant que développeur, lequel serait-il pour terminer mes virages? Alors, en tant que dev, ça va être une vraie réponse de dev, mais il y a un jeu qui m'impressionne techniquement, c'est Factorio, ou Satisfactory, sa version en 3D. Parce que bah, c'est des jeux qui gèrent des millions de trucs en même temps, synchronisés en réseau, et ça, j'avoue qu'il y a une intelligence dans la façon dont c'est développé qui fait que c'est possible. Donc, c'est des jeux qui m'ont vraiment impressionné, quoi. Je peux citer aussi Rimworld qui m'a impressionné sur la génération procédurale de la narration, des choses comme ça. Intéressant. C'est des choses qu'on trouve dans Linkito, non? Ça dépend sur certains aspects, oui, sur d'autres, non. C'est pas le même type de jeu. Moi, j'ai plus voulu faire un jeu de puzzle, de logique, qu'en Factorio, c'est clairement des jeux d'optimisation, d'automatisation. Donc, je dirais qu'il y en a un petit peu dans Linkito, mais c'est quand même pas le cœur du gameplay. On termine donc ces quatre virages ici pour rentrer dans le cœur du sujet et parler de Chimeria Games. Et une première question, moi, qui me turlupine depuis que j'ai commencé à travailler sur Linkito, c'est le fait que tu es cité en tant que développeur, donc Kalinarm pour ton pseudo. Mais il y a Chimeria Games qui soutient l'édition du jeu. Donc finalement, c'est quoi Chimeria Games et est-ce que tu es un développeur solo? Alors, bah, je vais être très cash. Chimeria Games, c'est moi. C'est ma boîte et il n'y a que moi dedans, donc ça n'influe pas. Après, sur le jeu en lui-même, j'ai fait le gros du développement solo, surtout la première année. Et par contre, j'ai été accompagné et j'ai eu plein d'aides sur plein d'autres disciplines. Surtout à la fin où il y a une personne qui est venue me rejoindre pour m'aider sur la 3D et le level design, ainsi qu'un stage en level design. Donc, je dirais pas que c'est un solo project dans le sens strict du terme. C'est juste, j'ai fait tout le développement code en solo, quoi. Mais sur le reste, j'ai eu beaucoup d'aide sur la narration, le level design, la 3D, les illustrations, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut citer ces personnes? Bien sûr, avec plaisir, bah, c'est Arthur qui m'a rejoint sur la 3D et le level design. Et Nicolas qui était en stage et qui a fait un super stage en termes de level design aussi dans le jeu. Je dis level design, mais on comprend bien que c'est puzzle design pour Linkito et c'est ça la difficulté de trouver des bons puzzles, quoi. Alors avant Linkito, j'en parlais précédemment. Il y a deux expériences VR qui sont développées. C'est Blood Blast VR et The Fourth Planet. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu la porte d'entrée de Chimeria dans le monde du jeu vidéo en réalité. En fait, Chimeria, moi, je créais des jeux vidéo pour l'événementiel. Donc, c'est un domaine un peu particulier. On crée des jeux vidéo qui sont exposés au public, qui sont ou projetés sur des façades ou pour des situations un peu particulières. Donc ça a été plus la porte d'entrée vraiment de Chimeria parce que j'utilisais des moteurs de jeux vidéo pour créer mes installations interactives dans différentes disciplines, quoi. Et après, effectivement, il y a eu deux. Alors qu'ils sont un peu différents de la quatrième planète, c'est une collaboration où je suis venu aider sur la partie développement un projet en fait de mix entre une série, un jeu vidéo et différentes choses en transmédia. Et ça a été un super chouette projet. Mais du coup, on a développé ce qu'on appelle le vertical slice, quoi. Donc le proto du jeu. Et après, la suite du jeu est encore en cours. Donc je ne peux pas dire grand-chose pour l'instant. Ok, donc c'est un projet qui est encore pas Alors, moi, finalisé. ça fait pas partie de mon scope maintenant. Moi, j'ai juste aidé sur cette phase-là. Donc, je te renverrai les contacts des gens. Je sais pas exactement sur quoi ils communiquent actuellement, donc je veux pas faire de bêtises aujourd'hui. Mais voilà, je sais que vous entendrez parler de ce chouette projet prochainement. Et après, Blood Blast, ben, effectivement, j'avais créé pas mal d'applications pour de la VR pour différents usages et je voulais aussi le faire pour un jeu vidéo qui était un jeu de rythme simple et efficace, on va dire, très arcade. Et du coup, il y a Blood Blast qui a été développé, mais qui voilà, qui a pas un suivi de fou, pour être honnête. Ça restait un petit projet annexe par rapport à que je faisais sur mon temps libre à l'époque, quoi. Qui se passe dans un univers un peu médical, c'est ça, Blood Blast? Ouais, bah on est rapt ici. C'est un pitch qu'on voit souvent dans Rick et Morty, dans Futurama et tout. Donc, on est rapt ici à l'échelle d'un atome et on tire sur des virus. Pour la petite anecdote, en fait, et ce qui a joué un peu sur le projet, j'avais fait ce jeu avant le Covid. Et le moment où je voulais continuer, en fait, il y a eu la crise du Covid. Et j'avoue que développer un jeu où on tire sur des virus, on est dans. Enfin, c'était un peu, je vais pas dire angoissant, mais ça me paraissait un peu déplacé. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais au contraire, vas-y, c'est la meilleure occasion. Mais en fait, moi, en étant confiné, j'avais pas envie de me retrouver encore plus confiné dans un vaisseau sanguin avec en plus ce thème des virus qui était déjà omniprésent dans les discussions. Donc voilà, ça a un peu coupé court au projet, j'avoue. Alors, ces deux jeux, qu'est-ce qui t'enseigne pour Linkito? Même si pour le coup, on est Linkito, c'est vraiment un projet à part vis-à-vis de ces deux Ouais. expériences VR. Bah, Linkito, c'est vraiment un projet que je voulais mener depuis longtemps. Pour te raconter ça, j'ai fait trois prototypes en fait. Donc, je savais vers quoi je voulais aller et je cherchais la bonne formule de gameplay en fait. Et donc, du coup, j'ai fait trois prototypes avant de trouver la bonne. Et Linkito, c'est vraiment l'incarnation de ça en fait. C'est un jeu qui raconte plein de choses. Donc, c'est un jeu autour de la connexion, que ce soit de la connexion entre les gens, de la connexion entre les systèmes, les domaines, et bah, le gameplay principal et le fait de connecter ces blocs entre eux, quoi. Et du coup, c'est un jeu qui résume pas mal mon expérience passée, où justement je connectais différents domaines entre eux. J'ai parlé que j'appliquais des moteurs de jeux vidéo dans le théâtre ou dans le monde des attractions ou dans le monde de la culture ou du divertissement. Et du coup, ça me permettait voilà, de contrôler des systèmes de scènes de lumière avec un moteur de jeu vidéo, de capter ce que faisaient les gens pour trouver des nouvelles formes d'interaction. Et du coup, Linkito, c'est un peu un mix de tout ça. Le plaisir que j'avais à créer ce genre d'installation, j'ai voulu le donner aux joueurs. Et du coup, de repartir sur ce type de gameplay où on va connecter des choses entre elles pour les faire marcher et créer quelque chose de complexe à partir de connexions très simples, en fait. On va reparler de Linkito d'ici quelques instants, mais moi, il y a un truc que j'avais lu dans une interview que tu avais donnée, c'est que tu disais que Linkito, c'était ton premier jeu. Pourquoi tu considères Linkito comme ton premier jeu, sachant que tu as déjà des expériences VR, qu'est-ce qui fait la différence entre Linkito et ces deux expériences? En fait, moi j'ai fait une trentaine de petits jeux que j'ai donnés gratuitement. J'ai fait beaucoup de game jam. J'ai fait des expériences pour d'autres situations. Linkito, c'est le premier jeu où je passe 2 ans de ma vie à le développer. Je fais rien d'autre. Et c'est le premier gros jeu Steam, en fait, que je vends, quoi, qui est fait pour être vendu aux joueurs. Donc, c'est dans ce sens-là où j'entends que c'est un premier jeu. Avant, ma boîte, elle s'appelle Chimeria. Maintenant, j'ai créé Chimeria Games. Je ne me suis pas foulé pour le nom. J'ai juste rajouté Games. Donc, c'est aussi cette nouvelle ère de vraiment faire des jeux vidéo pour le grand public, contrairement aux jeux vidéo que je faisais avant, qui étaient plus destinés à des entreprises où je le vendais à des gens qui l'utilisaient pour après le filer aux joueurs. Donc, c'était un peu différent. C'est pour ça que pour moi, Linkito, c'est mon premier gros jeu, on va dire. Et puis développer aussi l'aspect transmédia qui a l'air quand même d'être très important pour toi. Bah, c'est un truc ouais, que j'aime bien. Et justement, bah, Linkito, alors il y en a un petit peu, on va en reparler dedans. Mais en vrai, le jeu est une expérience suffisante sur Steam. Il n'y a pas besoin de transmédia pour apprécier le jeu. Même si c'est quelque chose qu'on va rajouter par-dessus pour ceux qui veulent aller plus loin, effectivement. Il y a un truc de fou, on y reviendra d'ici quelques instants par rapport à des contrôleurs alternatifs. Enfin, c'est assez ouf. Avant de parler de ça, ben on va parler de Linkito. C'est quoi Linkito? D'où vient le concept? Quelles sont ses inspirations? Linkito, bah, je t'ai résumé un peu le concept. C'est vraiment à partir de choses très simples, comme connecter des petits trucs entre eux, on va créer des comportements complexes. Et c'est un jeu de logique avec le fait, j'aime bien quand le joueur trouve sa propre solution. Donc, c'est pas un jeu de puzzle où il y a une solution à chaque fois qu'il faut trouver. C'est un jeu de puzzle ouvert, on peut appeler ça, où le joueur va venir trouver sa solution. Et je voulais qu'on sente un peu, c'est pas un jeu d'électronique, c'est pas un simulateur d'électronique dans le sens où je cherche pas à être rigoureux là-dessus. C'est plus un jeu où on va créer ouais, des choses très facilement et petit à petit ça va se complexifier et à la fin on va créer des machines nous-mêmes qu'on pensait pas être capable de faire et c'est là où j'aime bien l'aspect créatif du jeu, quoi. Le concept, d'où vient-il? Est-ce qu'il y a des inspirations? Ben, il y a vraiment le fait de ce que je faisais dans mon métier avant, de connecter différents domaines entre eux. Et après, en inspiration, ben, dans les vieux jeux, il y a The Incredible Machine, qu'on me cite souvent, et je suis d'accord, ça m'a inspiré, qui est Team pour les intimes. En fait, c'est un jeu où on crée de la cause à effet pour résoudre des énigmes en type machine de, je sais plus qu'on appelle ça, de Goldberg, je crois. Et ça a été une inspiration. Après, il y en a eu pas mal d'autres, notamment dans les Actronix aussi, même si je voulais faire un jeu un peu Ok. plus accessible que certains Actronix. Donc voilà. Alors, Linkito, c'est un jeu d'énigmes, mais il n'y a pas que des énigmes, il y a aussi un sens de lecture assez élaboré. Au fur et à mesure du temps, on progresse, on découvre notamment Albatros Tech, Yes. qui est une des entités, entre guillemets, maléfiques du jeu. C'était important de connecter ce jeu au réel, ou est-ce que tu pouvais totalement t'en passer? Il y avait une volonté d'apporter un, comment dire, de faire plus qu'un jeu d'énigmes, de faire aussi réfléchir le joueur sur ses connexions et sur ce qu'il faisait? Bah, il y avait une volonté de pas juste livrer des énigmes qui s'enchaînaient et de raconter une histoire en même temps qui donne du sens aux énigmes. Et en fait, ouais, bah, c'est encore le thème vraiment du jeu, c'est la connexion. Donc l'histoire raconte ça, la connexion un peu entre les peuples. Je vais pas plus en dire pour pas spoiler. Et en plus, oui, ça a des répercussions un petit peu, des messages politiques qui sont passés, mais voilà, que le joueur pourra interpréter à sa manière. Et après, non, bah, le but, c'était de proposer une aventure, en fait, au joueur, qu'il incarne un rôle, qu'il découvre tout un univers. Et je voulais en plus recréer cet univers, la dystopique un peu des années 50, qui est une esthétique que j'aime beaucoup en termes de direction artistique. Donc il y a aussi cette volonté, voilà, d'immerger dans un monde un peu rétro-futuriste. En fait, on est sur une technologie qui s'est développée plutôt autour de l'analogique, donc des choses avec un vrai feeling qu'on sent, qu'on connecte physiquement entre elles, plus que du numérique comme maintenant où tout est un peu caché dans des microcontrôleurs, quoi. Quand j'ai vu le jeu, et quand j'ai lu les interviews que tu as données sur le jeu, j'étais assez surpris parce que l'une de tes interviews, tu dis, j'ai envie que le jeu soit accessible à tous de 7 à 77 ans. Et moi, dans ma tête, quand j'ai vu Linkito tourner, j'ai fait, ça n'a pas été compliqué de créer justement des puzzles qui soient assez simples, mais en même temps assez complexes pour tous les types de publics. Comment l'accessibilité est devenue un point central de la création de Linkito? C'est une bonne question. En vrai, c'est là où on a beaucoup travaillé sur des playtests pour équilibrer ça, de beaucoup de types de gens différents. J'ai aussi fait une démo ouverte, en fait, que j'ai mis à jour tout au long du développement et où j'écoutais beaucoup les retours des joueurs. Donc ça m'a aidé à vraiment calibrer. Et avec l'éditeur, on a beaucoup travaillé là-dessus. Après, pour répondre, c'est dur effectivement d'avoir un jeu qui soit la même accessibilité pour tout le monde. Donc ce qu'on a fait aussi dans le jeu, c'est qu'il y a deux, entre guillemets, vitesses de progression, deux niveaux de difficulté. Il y a des énigmes obligatoires qui vont servir à dérouler l'histoire, on va dire, où on apprend au fur et à mesure de toute façon les mécanismes. Donc n'importe qui, c'est dans ce sens où c'est accessible, n'importe qui, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences en électronique, quoi. On arrive, de toute façon, dans le jeu, on apprend tout ce dont on a besoin. Et il y a des niveaux bonus qui se jouent un peu différemment, en fait, qui ont un inventaire et c'est les joueurs qui vont placer leurs propres blocs pour créer leur solution. Et du coup, ça, c'est vrai que c'est des niveaux qui sont réputés un peu plus difficiles et qui sont bonus, donc non obligatoires pour les joueurs qui veulent plutôt un niveau de difficulté standard. Et après, en termes de difficulté, on a ajouté, par exemple, bon, sans spoiler, mais à des moments, il y a des bombes qu'il faut désamorcer rapidement. Et on a rajouté dans les options, par exemple, un chill mode qui permet aux joueurs qui veulent pas être stressés par le temps de désactiver tous les timers des bombes pour continuer l'expérience de façon un peu plus tranquille. Donc il y a aussi quelques options qui permettent de jouer sur l'accessibilité du titre, quoi. Alors moi, un des trucs que j'ai trouvé absolument formidable, c'était de connecter le jeu à différents systèmes pour créer des situations de jeu inédites. Alors tu parles d'escape game, tu parles de contrôleur alternatif, tu parles de services comme Twitch, tu parles de lampes connectées. De quoi tu parles en fait? Qu'est-ce que c'est que cette feature de fou là? Qu'est-ce que tu nous as inventé là? Bah, j'avoue que c'est un truc qui est dur à décrire parce que c'est pas courant dans le jeu vidéo, mais pour essayer de résumer, en fait, comme c'est un jeu autour de la connexion et comme moi avant, je connectais des trucs entre eux, bah, je me suis dit, je vais donner ça aussi aux joueurs. Donc, je précise que c'est optionnel, on n'a pas besoin de ça pour faire l'expérience du jeu Absolument. complète, Je voulais mais préciser, c'est totalement voilà. optionnel. Mais pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, en fait, il y a un mode sandbox et le jeu. Comme c'est des informations qu'on fait passer dans des câbles, bah, je me suis dit, bah, on peut les envoyer peut-être à d'autres services. Donc j'ai commencé avec Twitch, où en fait, bah, on peut échanger avec le jeu avec Twitch. Et du coup, je récupère les messages des gens qui tapent dans le chat de Twitch, et ça va déclencher des événements dans l'énigme. Donc là, on a fait toute une campagne Twitch avec une quinzaine de niveaux où les joueurs jouent en même temps que le streamer en tapant des choses dans le chat, et il faut de la collaboration entre le streamer et les viewers pour pouvoir compléter des niveaux. J'étais assez content, on l'a testé pour Game Made in France avec Mister MV et Lydia, et il y a 8000 personnes qui ont joué en même temps, c'était assez fou, c'était assez sympa. Incroyable. Donc comment ça marche? Les gens envoient des messages, c'est ça? Ouais. Mais comment ça se matérialise du coup? Ils prennent un défi, ils peuvent prendre un défi. En fait, il y a des blocs avec des textes dessus. Et celui qui tape ce texte-là, ça va envoyer un petit courant dans la sortie de ce bloc-là. Donc, et après, c'est au level design de créer les puzzles qu'on veut. Mais pour donner un exemple, par exemple, à un moment, on contrôle un petit robot. Donc, les viewers contrôlent le robot et le streamer contrôle les portes, les trappes, j'allais dire, les pièges qu'il faut fermer et tout. Et les viewers, ils vont taper énergie, ça va faire avancer un petit peu le robot. Donc, il faut qu'il y en ait plusieurs qui tapent énergie pour qu'il avance bien. Il y en a qui peuvent lui demander de faire demi-tour en tapant turn. Et du coup, il faut se synchroniser pour avoir un petit plateforme qui se joue tous ensemble, quoi, streamer contre viewer. Incroyable. Mais ça a dû prendre énormément de travail, cette feature. C'était hyper compliqué, à mon avis, à développer. D'autant qu'on parle de Twitch, mais il y a d'autres trucs. Hein. Tu parles de clavier, tu parles de lampe connectée. Mm. C'est... Bah après, comment ça, lampe connectée, tu vois, par exemple. Bah après, moi, c'était vraiment mon domaine avant, comme je l'ai déjà dit. Du coup, j'avais aussi des bouts de code ou un savoir-faire sur ce genre de technologie qui m'a facilité ça. Donc honnêtement, non, c'est pas quelque chose qui a pris énormément de temps. Plus encore une fois, le level design, de faire un bon level design pour ce genre d'usages qui sont pas courants, ça, c'était... plus difficile, mais on est assez content du résultat. Et après, oui, le jeu peut se connecter à d'autres choses. Donc, le port série, en fait, permet... ça, c'est pour les plus geeks, hein, mais permet de se connecter à Arduino, à Raspberry, à n'importe quelle carte électronique. Et du coup, je me suis amusé à fabriquer un bras robot qui est commandé par le jeu, un télégraphe de Morse ou des petits contrôleurs alternatifs comme ça. Donc, ça, c'est pareil, c'est pour faciliter la fabrication de choses différentes. Et après, il y a d'autres protocoles comme OSC, qui est bien connu de ceux qui font de l'art numérique ou qui créent des installations, parce que ça va permettre de communiquer avec plein de logiciels différents, comme des logiciels de contrôle de musique ou des choses. Et après, on peut envoyer ces messages-là et les faire parvenir à des lampes connectées, comme j'ai fait chez moi, à plein de choses. Donc, pour donner un exemple, on a fait un atelier avec des jeunes où on a créé un escape game où Linkito contrôle un PowerPoint sur un vidéoprojecteur, la lumière, il contrôlait différents petits gadgets qu'on avait fabriqués. Donc, voilà. Encore une fois, c'est une fonctionnalité optionnelle, mais ceux qui veulent se faire plaisir avec ça, et il y en a qui commencent, là, je suis super content de voir certains joueurs faire des super créations avec ça. Mais cette fonctionnalité est complètement accessible dans le jeu pour tout le monde, quoi. Incroyable, le dream du puzzle game. Moi, j'avoue que c'est un truc qui me faisait triper à chaque fois que je fabrique une petite truc pour sortir un peu de l'écran, en fait, de jouer d'une manière un peu différente. Y a un petit côté que j'aime bien. Incroyable. Bon, on vous invite évidemment à découvrir tout ça. Il y a plein de possibilités d'interaction qui sont à découvrir dans Linkito. Mais je trouve ça juste absolument incroyable, parce que c'est surtout la variété, en fait, des choses qui sont permises, parce que Twitch, on connaît les intégrations Twitch, mais avoir Twitch plus des claviers, plus ceci, plus cela, j'avoue que c'est assez violent. Le truc rigolo en plus, c'est quand on commence à connecter ensemble, parce que ça m'est arrivé de faire que les messages Twitch commandent les lumières de chez moi, ou un petit robot que j'ai là, ou que ça aille interroger un serveur et que ça revienne. Bon, là, je parle un peu en mode geek, mais en fait, après, c'est vraiment les mêmes règles que le jeu, donc on peut faire communiquer tout ça, créer des comportements très facilement, en fait, tout en jouant, en fait. Et c'est ça que je trouve assez rigolo, ouais. Alors, question subsidiaire, quelqu'un peut-il apprendre la programmation en jouant à Linkito? Alors, je vais être honnête, c'est pas un jeu qui est fait pour ça. Okay. Par contre, ça va te donner des bonnes notions, je dirais, de logique. Tu vas pouvoir apprendre comment fonctionnent certaines choses qui sont à la base d'un ordinateur. Donc, c'est des bonnes notions. Après, tu vas apprendre un petit peu de programmation graphique aussi. Donc, ouais, c'est plutôt de l'algorithmie, de la logique et certaines features. Qu'est-ce qu'un « et », qu'est-ce qu'un « ou », des choses comme ça. Effectivement, ça, tu vas l'apprendre dans Linkito. Mais un truc que j'ai voulu faire, c'est qu'il n'y ait vraiment aucun besoin en compétences, que ce soit électronique, informatique ou quoi, avant de lancer le jeu. Donc, le jeu reprend vraiment tout ce dont on a besoin dans le jeu. Et j'ai quand même voulu créer une expérience qui soit plus ludique que pédagogique. Donc, quand il y a eu des arbitrages à faire entre les deux, c'est le ludique qui a gagné, quoi. Intéressant. La suite, qu'est-ce que c'est pour Linkito, ou peut-être d'ailleurs pour toi? C'est une extension du jeu? C'est un nouveau jeu peut-être? C'est une hybridation? On a parlé de tellement de choses là sur les précédentes minutes avec Twitch ou encore ces lampes connectées. C'est quoi le futur? Bah là pour l'instant le jeu ça fait même pas une semaine qu'il est sorti donc je reste vraiment concentré là-dessus. Le jeu a aussi un éditeur de niveau et la possibilité de publier ses niveaux donc il va y avoir et il commence à y avoir beaucoup de créations faites par la communauté. Donc moi l'idée c'est plutôt de me concentrer sur faire vivre ce jeu pour l'instant avant de penser à d'autres. Avant de penser à la suite même s'il y a évidemment pas mal d'idées pour la suite pour des DLC. Ou des contenus et il y a déjà des niveaux qui ont été faits et qu'on va qui sont en cours là de finition et qu'on va donner gratuitement aux joueurs pour faire continuer à faire vivre le jeu même après sa sortie. On va terminer sur la ligne d'arrivée de cette interview par un jeu à recommander. Aux personnes qui nous écoutent, un jeu pas très connu, un jeu qui mériterait qu'on parle un petit peu plus de lui, un jeu qui va peut-être bientôt sortir. Quelle est ta recommandation? Waouh, et j'en ai beaucoup. Il y a un jeu d'un ami qui s'appelle, le jeu s'appelle Never Looted Dungeon, que je recommande si vous aimez les jeux physiques, les dungeon crawlers un peu loufoques. Il a un super bon humour et ce jeu a vraiment aussi une façon de voir les puzzles basés sur la physique qui est très très marrante. On va pouvoir bloquer un piège en jetant un cadavre dedans ou des choses comme ça. Ok. Et après, dans les jeux qui m'ont marqué, il y a vraiment eu un jeu, je crois que c'est l'année dernière, moi, c'est Inscription. Alors, je vais pas dire qu'il est pas connu parce qu'il a eu son petit succès, mais ça, voilà, c'est un jeu pour ceux qui l'ont pas fait que je continue à recommander, que j'ai trouvé vraiment chouette. Kevin Silam, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode d'Indie 500. On rappelle, la sortie de Linkito, c'est développé par toi-même, Kalinarm, c'est édité par Playdigious Originals et Chimeria Games. C'est sorti le 23 juillet 2024, ça se trouve sur Steam, sur GOG et sur Steam Deck, même si pour l'instant c'est pas encore vérifié, au prix de 14,99 €. Veux-tu rajouter quelque chose? Tout à fait, bah ouais, vous êtes bienvenus sur le Discord, on a une communauté super sympa et qui échange justement sur tous ces aspects, création de contenu, du jeu, d'install avec le jeu, des choses comme ça. Donc bienvenue à tous sur le Discord. C'est la fin, chers auditeurs et chères auditrices, de votre épisode du jour. Merci à vous de l'avoir également suivi. N'hésitez pas à soutenir l'émission sur Patreon si vous voulez assurer sa pérennité, c'est extrêmement important. Et n'hésitez évidemment pas à wishlister les différents jeux que l'on propose et à soutenir les développeurs et les développeuses qui passent dans l'émission. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau tour de piste.